dirait. On. On dirait qu'il y a un fuck. On. Ça, c'est pour vérifier le son en passant. Uni, omni. Bon. Comme je fais pas de montage, on va vérifier. On. Ok. On monte pas plus ça. Non, mais ça, on monte pas plus que ça. Un. Hey, c'est malade ça. Ok. Auto limité. Oui. On m'a dit que moi, auto limité. Ah, on vient de le réveiller là. Ah ah, bon. Hey, c'est bizarre, hein? On dirait que. Il dort, puis. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait bien des affaires. Un. Ok. Un. Bon. Là, je viens d'arriver de travailler. Je vais poser ça, là. C'est. Ma routine, je sais pas, les 23 heures, je reviens. Il est 23h38. Quand je dis je reviens, c'est pas l'heure là. Et puis ce qui m'a intéressé, je reviens du boulot. Puis j'ai décidé de te faire un enregistrement pour vérifier. Pour discuter un peu plus sur ton projet qui m'intéresse énormément. Écoute, j'aurais jamais pu te dire fais-le pas, ose pas. C'est exceptionnel. En tout cas, pour moi, il faut dire que je parle aussi pour ma passion de la radio. Quand j'étais jeune, j'ai voulu faire en faire, mais j'étais bègue. Je voyais pas la manière de m'en sortir pour lire un texte. Donc, je pouvais pas lire des informations ou les écrire pour les recracher, pour les relire plus tard. À ma sauce, mais faire de la lecture d'un journal à cause de mon état de bègue. Donc, mais ça m'a pas arrêté non plus, là. Je me suis dit, j'ai peut-être, ma passion c'était la radio. Et quand tu m'as dit que tu avais pris sous la main une citation qui allait pas très bien, ben j'ai dit. Puis surtout que tu m'as fait un SOS, j'ai été extrêmement touché, merci beaucoup. Je vais dire que je sais pas combien de temps l'enregistrement va durer, mais à cette heure-là, quand j'arrive du travail, je nettoie des bouteilles vides. Ben, écoute, chacun sa passion. Je n'ai pas une passion, c'est parce que je fais ma propre bière, donc je dois nettoyer des bouteilles. Et les bouteilles, je les prends sur mon lieu de travail. Mon lieu de travail, qui est un magasin, j'allais dire général, comme on les appelle en banlieue ou en milieu villageois. Puis là, il n'y a rien de préjugé dans le village. Au contraire, là, on veut pas se trouver dans la foule. Donc, on va vivre dans une région moins peuplée, tout à fait normale. Et je suis rendu là dans ma vie aussi. J'ai perdu ma mère au mois de juillet. Le 6 juillet, j'ai perdu mon amoureuse le 2 juin, la journée de mon anniversaire cette année, d'un ACV foudroyant à l'âge de 39 ans. Et là, je suis prêt donc à prendre des défis. Et j'aimerais travailler avec toi pour, à distance, pour, puis même me rendre à un moment donné. Mais j'ai vu le prix des billets, c'est hallucinant. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et puis là, je vais te parler. Au moment où, si ça te plaît, mon projet, j'ai pas de problème avec, au contraire, ça me plairait beaucoup que ça te plaise. En radio, ne jamais faire comme moi, là. Plaire, là, je l'ai dit à plusieurs reprises, faire attention. Tu sais, je t'avais dit hier, dimanche, l'important, c'est de trouver des commanditaires, de trouver des publicités. Oui, mais aussi de trouver le son de ta radio. Quel son tu veux lui donner? Selon moi, il y a deux choses. J'ai vu deux choses. Je réfléchis là-dessus là, depuis 24 heures. Mais là, je vais peut-être m'en aller, mais pas longtemps, pour me changer. Quoique je peux l'amener, j'allais dire la radio, le magnéto, mais ça va faire du bruit. Mais je vais te faire écouter une chanson pour te proposer, pour te montrer. En fait, c'est un album pour te montrer qu'est-ce que ça peut donner mon appareil d'enregistrement. Là, je l'ai mis au volume. Un Tascam. Mais là, j'ai pas non plus travaillé sur le profondeur de son. Mais durant que je vais me changer, je te laisse avec Eddie Mitchell. Un inédit que tu connais pas, que tu connaîtras jamais, sauf par moi. Parce que j'adore les inédits pour plusieurs raisons à la radio. Les gens sont habitués d'entendre la même chose. Moi, je veux proposer une autre musique, une autre façon de. Puis même, attends un peu. Tu sais, je veux aussi. Je propose des groupes connus, reconnus, de Doors, mais dans des versions qu'ils connaissent pas. Des versions, tu sais, parce qu'aujourd'hui, pour les amateurs des Doors, on a sorti des coffrets, puis avec plusieurs reprises, tu sais, ça a pris plusieurs fois avant d'arriver à celle qu'ils ont, qui se sont, une pièce qui se sont arrêtées en disant, mais c'est celle-là que nous allons placer sur l'album, mais j'ai plein de prises avant, et c'est celle-là que je propose aux auditeurs pour un peu donner un autre son, donner une autre ouverture, parce que la radio doit faire rêver avant tout, selon moi. Comme disait Godard, la télé tue le réel, tue l'imaginaire. La radio l'invente, nous le propose. Voilà. À midi, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassé. Et du fait que vous êtes remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. À traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants. Supplie. glisseur du scalp sera épargné, afin que les âmes sensibles ne soient pas choquées. Pour un modeste dollar, vous pourrez rêver. Ses yeux fiers deviennent tristes et les poings serrés. Il s'engage sur la piste, se met à danser, hante d'un vieux chant inconnu des blancs. Le vieil Indien et le Western Show. Le vieil Indien peut se démaquiller, le show est terminé. Mais plus loin, un autre l'attend demain. Venez voir la vie de l'Ouest au temps des pionniers. Toutes les figures légendaires des aventuriers. Cascades spectaculaires vous feront trembler. Venez me trouver au cœur des colliers. Le vieil Indien et le Western Show. Le vieil Je viens de me changer. Tu vas dire que ça prend du temps, mais ça prend le temps que ça prend. Je m'ouvre une bouteille de bière qui s'appelle Dean et Jerry. En fait, c'est un hommage aux deux comédiens de la comédie des années 50-60. À un moment donné, il y a eu une chicane avec Dean Martin, puis Jerry Lewis, ils se sont dissociés longtemps. Ils se sont retrouvés dans les années 80 lorsque Jerry Lewis faisait son téléthon. Hein, je suis bègue, hein? Tu as senti le nez qui parlait? Et donc, ils se sont rassociés là, mais bon, 3 points de suspension. Et Jerry Lewis est mort il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est une bière. C'est une Scotch Ale. Si tu connais pas ça, je vais te faire découvrir. Écoute bien le son. C'est discret, hein? C'est très discret. J'aime bien m'ouvrir une petite bière. C'est très très petit, ça. C'est 330 ml. C'est une bière normale. Si tu verrais le collet, là, tu peux pas voir, là, mais il y a un collet aussi collant que moi. Faut rire de soi avant de rire des autres. Bon. Mais je ris pas tant des autres que ça. Je ris plutôt des. De certains individus qui ont des sectes d'individus. Tu sais, les gens de la droite qui ont peur du nouveau, qui ont peur des gens qui viennent les visiter, qui ont peur des gens qui viennent vivre au Québec. Des petites craintes de minables, là, ils viennent prendre nos emplois, mais il n'y en a pas, il y en a trop d'emplois, puis il n'y a pas assez de monde qui veulent travailler. Il y a des flambeaux au Québec aussi, là. Puis eux sont prêts à relever le défi, puis ils arrivent, ils ont les chèques. Ben oui. Ça, c'est toutes des sources pour amener le préjugé vis-à-vis les nouveaux arrivants. J'aime bien le terme nouveaux arrivants. Ça, c'est encore un des métiers, c'est pas pire, hein? C'est vraiment très, très, très bien. J'allais dire très pas pire, mais très bien. Je fais attention parce que, éventuellement, tout ça, j'aimerais que ça fasse, que ça s'incluse dans une émission, des émissions de radio qui seraient comme ça. Je parle, puis il y a de la musique à travers tout ça, et j'aimerais te la proposer, celle-là. C'est pas Errance Renadienne, c'est du quotidien, on parle, on discute, puis tu verras bien ce que je veux t'amener. J'ai plusieurs émissions à te proposer. Mais qui ne seront pas toujours l'animateur devant. Là. Le dimanche, j'aimerais ça que ce soit un dimanche concert. Et qu'on fasse découvrir Pierre Perret, qu'on fasse découvrir Léo Ferré, qu'on fasse découvrir des grands francophones méconnus. Et puis, même Daniel Boucher, ceux qui sont connus et reconnus. À travers une présentation du début, un peu comme à l'époque, à la télévision, à Radio-Canada, il y avait les beaux dimanches. Les beaux dimanches étaient en plusieurs volets, trois volets normalement. Puis il y avait toujours des documentaires vers la fin, mais au début c'était une émission de variété. Mais j'aimerais ça, proposer 2 heures de variété le dimanche ou samedi. Samedi c'est plus festif, ça pourrait être intéressant. Le dimanche peut-être être plus concentré vers des auteurs, compositeurs, interprètes, poètes. Peut-être plus de poésie dimanche, hein, pour se centraliser. Mais en tout cas, il faut que tu trouves un son à ta radio, je te l'ai dit. Là. Puis... à la nôtre, hein. c'est ma Dean et Jerry. Elle fait fureur, hein, auprès d'un petit cercle, pas d'amis, parce que j'ai pas d'amis, mais un petit cercle. Là, je devrais placer, attends un peu, attends. Je vais pas trop jouer avec le... Là, c'est le son que tu vas entendre habituellement, là. C'est le son de mes bouteilles, puis avec... expliquer, là. Tu vas entendre, mais tu peux aussi comprendre et surtout bénéficier de l'appareil, mon gros Toscam. Tu peux pas avoir mieux que ça, là. C'est le meilleur des produits dans cette variété-là de Toscam. Mais c'est pas lui que j'amène en Europe, à Paris, c'est pas lui que j'amène en France, là. C'est des Andy, des petits appareils de rien, parce que ça coûte 100$. Lui, il coûte, je l'ai beaucoup moins cher que ça, mais au prix de vente à Québec, là, ce serait 450$. Je l'ai à 150 de moins sur Internet. Voilà. Je viens de faire une bouteille. Ça, c'est une bouteille de 660 ml. Ça, c'est plutôt les fins de semaine, où, quand je vends mes bières, mais pas de droit. Sinon, là, ton projet de radio est super. C'est assez culotté. Ça ne me surprend pas de la fille. Et comme je te dis, un son. Un son, des commanditaires, des gens qui veulent se faire voir. Mais tu sais, tu n'as pas à dire, lorsque tu vas approcher ces gens-là, que tu cherches du monde pour amener de l'eau au moulin. Je veux dire... Je relance une radio et je vous offre l'opportunité de contribuer à votre entreprise. Si nous diffusons vos publicités, puis encore, les publicités, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment. Dans une radio communautaire, excusez-moi, dans une radio communautaire, on veut pas tout le temps de la publicité comme une radio commerciale. Normalement, ce que l'on utilise comme tranche horaire, c'est à l'heure puis à la demi-heure. Maximum 3 minutes, 3 minutes 50, pas plus. Parce que sinon, là, ça devient épouvantable. Là. Tu deviens un produit consommable, puis les gens vont pas t'écouter à cause de ça. Mais quand tu... Si tu prends le micro, il ne faut jamais dire « Nous revenons après les publicités », parce que les gens vont décrocher. Même s'ils ont juste une radio, là, ils vont faire autre chose. Il ne faut pas que tu annonces la publicité. Tu animes et la publicité suit après. Après ça, tu peux revenir en disant « Nous avons entendu bon, la pièce, blablabla. » Moi, en tout cas, à la radio, ce que je veux pas entendre, puis ce qui se dit dans le milieu de la radio communautaire, ou moi, j'ai deux façons d'approcher la radio. Il y a la radio communautaire et la radio associative. Selon une fille, c'est vraiment pas la même chose. Pour moi, oui. Bon. Mais j'ai pas non plus la même formation que cette fille-là. Elle m'a fait changer mon introduction qui dit au début, là, ça dure une minute. Là, la plus vieille radio associative francophone au monde, elle m'a fait changer ça. Ça faisait déjà un an et demi que ça roulait. Bon, c'est quand même pas mal qu'elle s'en rende compte après un an et demi. Elle m'a dit non, c'est une radio communautaire, c'est pas comme la radio, excuse-moi, associative. Alors, il faudrait. Je veux que tu modifies ça pour communautaire ou tu retires ça. J'ai refait le même générique, mais le bout associatif, je l'ai changé pour communautaire. Pour les observateurs au niveau sonore, on va voir que ça coupe pas à la bonne place, mais écoute, c'est vraiment très subtil. Et puis, moi j'avais pensé pour ta radio, l'intérêt, ce serait de faire contribuer le village. C'est-à-dire que, au niveau des enfants de 10, 11, 12 ans, de faire un atelier radio et diffuser ça la fin de semaine, le samedi ou le dimanche. Mais 60 minutes, là, c'est vraiment un gros max, hein, parce que c'est beaucoup de travail, puis ça semble facile, mais c'est compliqué là, de remplir 60 minutes pour des jeunes. Donc, non pas parce qu'on n'a pas de talent, mais c'est que il faut que l'adulte ou la personne qui soit avec, le tuteur, bosse pour 2 heures. Faire 2 heures de radio, c'est quelque chose. On peut pas, disons, faire 30 minutes de discours puis 60 minutes de 30 minutes de discours puis 130 minutes de musique. Bon. Donc, l'école du village pourrait contribuer à tout ça. Ça serait super intéressant. Je trouve que c'est motivant. Tu sais, c'est pas tout le temps beau dans ton petit patelin. Donc, le fait à l'école de travailler sur des sujets qui les intéressent, là, pas les sujets que les adultes veulent que le jeune prenne la parole. Mais qu'est-ce que c'est de vivre en région, dans un village aussi éloigné? Éventuellement, est-ce qu'ils veulent rester là? Est-ce qu'ils veulent quitter pour aller dans la grande ville? Est-ce que la ville attire les jeunes? Puis sinon, pourquoi tu veux rester là, toi? Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'intérêt? Tu veux contribuer à quoi dans ton petit village? C'est super intéressant. Puis ça, c'est des émissions que tu peux, après ça, proposer dans d'autres radios communautaires qui font partie de la Radio Vision. Je ne sais pas si tu savais que ta station faisait partie de cette bannière-là. Tu peux pas faire autrement, c'est ça. Puis là, il y a le CRTC. Le CRTC, je ne sais pas si dans ton petit patelin, petit village, va t'emmerder autant, mais là, c'est plus difficile. J'ai pris une bouteille avec une étiquette d'une bière commerciale, c'est plus difficile à enlever. Sinon, tu t'en es même pas rendu compte. J'ai frotté un peu plus, je l'y mets. Qu'est-ce que je veux dire, donc? Tu vois, c'est comme mon émission, moi, je perds le fil. Là, ça te fait suer, mais tu me reviendras si tu veux que j'explicite davantage. Ah, je fais de la bonne bière, je te le dis. En tout cas, quand tu viendras, là, je te devrais écouter à l'ensemble de ma progéniture de houblon. J'allais dire houblonnière, mais ça se dit pas. Donc, puis à savoir, avez-vous beaucoup de CD? Avez-vous des idées? Idées, c'est identification d'entreprise. Idées. C'est-à-dire que vous écoutez CKRL, le 89.1 à Québec, puis tu dois pas dire, toi c'est le 93.1, je crois. Hein? Tu dois pas dire le 93.1. Tu l'écris, le 93.1, mais quand tu le dis en ondes, tu dois pas ainsi, tu dois l'enlever la virgule. Ça, je te dis ça parce que c'est du professionnalisme incroyable. Tu sais, la radio communautaire s'associe, se font des rencontres annuelles. Ça a eu lieu à Québec cette année. Ça s'est terminé à la fin du mois de novembre, il n'y a pas si longtemps. Puis, les gens viennent apprendre, mais viennent aussi parler de leur vécu au niveau de la radio. Mais là, c'est sûr que pour toi, c'est plus cher de... Tu peux pas voyager. Je sais pas s'ils font des... Ça me surprendrait, là, qu'ils captent tout ça pour les gens qui sont en région. Puis en même temps, c'est les exclus, ça. Tu sais, là, ta radio est partie. Ben, elle est partie. Puis il y a un journal qui existe. Il faudrait que je m'abonne pour savoir vraiment ce qui se passe. Et tu sais là-dessus vraiment la... Comment dire? Donc la santé de la radio communautaire au Québec. C'est bien dit. La santé. En plus, pour une infirmière, c'est pas pire. Non, c'est pas moi l'infirmière, c'est toi. Et je te trouve quand même... Je te trouve extraordinaire. Puis, en même temps... Hey, savais-tu que j'avais fait... J'ai fait une William Burroughs Stout. Je sais pas si tu connais William Burroughs. Je suis en train d'enlever une étiquette de ma propre bière. Je fais de la publicité pour ma propre bière. Et le gars. Sinon, qu'est-ce que je te dis? Ah oui, hey, j'aimerais bien ça. Peut-être. Comme je te dis, ma mère est décédée, ma blonde aussi. De changer, de modifier ma trajectoire. Là, je travaille dans une épicerie de quartier. C'est vraiment pas... J'ai travaillé 27 ans au SO. Ça a fermé. On m'a relocalisé sur la rue pas Saint-Pierre, à Vasseville, là, la rue Saint-Paul. Un SO qui est là, à côté du jardin public, là, mais qui va fermer. Qui s'en va près du Colisée, je crois. Et j'ai travaillé là. Puis là, on est venu me chercher parce que l'entreprise voulait fermer à 23h. Le père était mort. La fille avait pris l'entreprise. Et le copain de la fille a vu l'opportunité exceptionnelle. Hein. C'était le compte de banque. Il fréquentait le compte de banque. Il savait qu'un jour, le bonhomme allait mourir. Puis j'ai accepté de travailler là. Je suis devenu... Je fais attention parce que je dis souvent que la hiérarchie sert à valoriser le minable. Ça vient de moi. Et je suis gérant de soir, mais je gère qu'une caissière, puis une caissière vraiment pas facile. Et comme j'ai plus grand chose à glander là, en tout cas, je cherche d'autres inspirations et d'autres aspirations. J'espère que ma petite chronique, là, petite discussion ensemble, là, entre moi et moi, mais je sais que t'écoutes, donc c'est ensemble, va te donner le goût de faire la même chose. De me parler via un micro, puis même si c'est pas une qualité sonore comme la mienne, c'est pas grave. J'ai commencé quand j'ai fait Cavalier Seul à un moment donné en 2010 parce que Coco Fortin, tu connais peut-être, qui a travaillé à CFLS, a décidé de prendre le flambeau à CKRS, ça va être épouvantable, et j'ai déjà averti tout le monde que j'allais pas suivre si Coco allait devenir le directeur de la programmation. Il a fait ça pendant 4 mois. On m'a rappelé en me disant, écoute, c'est un fiasco. Je savais, je vous l'avais dit. Veux-tu revenir à CKRL? Oui, mais pendant 4 mois, j'ai fait Cavalier Seul. J'ai pas arrêté mon émission. Donc, j'avais un petit micro bien ordinaire. Je faisais ça chez moi, dans le sous-sol. Puis ça avait l'air vraiment très rock des années, très punk des années 70, c'est-à-dire avec les moyens que j'avais. Puis les émissions ne duraient pas 2 heures, duraient 3 heures, 3 heures et demie. C'était pas les meilleures parce que on s'effiole. Puis ben, en tout cas, si tu veux que je continue mes discours comme ça, ben tu me le dis. Sinon, ben écoute, je te conseille fortement d'accepter ta mission, mais tu l'as déjà fait. Et si tu veux des renseignements, je veux pas le faire sur le clavier parce que j'ai tellement de choses à dire en même temps qu'on dirait que ça diminue mes idées. Quand j'arrive à écrire le mot est déjà terminé, même si j'ai étudié pour être commis. Non, pour être agent de bureau. Ma formation première, c'est agent de bureau, puis être comptable. Être comptable, ça vient fonctionner parce que c'est pas parce que je reçois de l'argent à chaque semaine que je le brûle à chaque semaine. Ça m'a appris à faire comme l'écureuil, à économiser. Je suis pas millionnaire. Là. J'ai même aidé à terminer les vieux jours de ma mère dans un centre. Elle est morte de triple démence et de l'Alzheimer. Et voilà. Je te laisse là-dessus. C'est quand même assez optimiste. Et ben, si tu veux que je continue, vas-y. Puis si tu me fais aucun SOS, ben j'arrête là. Et j'étais très heureux de te retrouver. Merci, merci, merci. Je t'embrasse. Renan.